Compliment pour maman ferme, les femmes ça tous passent si haut. Haïti, maman chérie, va chercher pour nous jouir la vie. Compliment pour maman ferme, les femmes ça tous passent si haut. Haïti, maman, va chercher pour nous jouir la vie. Haïti, maman, va chercher pour nous jouir la vie. Pour retenir.